Mais vous autres qui ont des pensées négatives, qu'on ait des pensées, là. Qui... Quand je dis des pensées négatives, je dis pas nécessairement des d'avoir toujours des pensées comme du monde. Puis quels sont ceux qui sont comme harassés par des pensées, là? Vous? Bombardé. Je me bois mort. Il n'y a rien de pareil. Mais vous savez ce qui se passe. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Puis en crise un peu plus. Ouais. Il finit moi, il n'aime pas ça quand je te parle. Il n'aime pas ça quand tu me parles. Disons, même ma voix tremble. Waouh, waouh, waouh. C'est quelque chose. C'est toujours les affaires qui n'ont pas de sens. Waouh, waouh, waouh. C'est ça, les affaires qui ne sont pas moi, qui sont quand même tout le monde. Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. C'est vraiment droit, tu vous crois. Ah. Je vous lève un peu, mais vous m'en allez. J'en suis conscient. Ouais, ouais. Ouais. Ah, c'est un gros problème, chez l'homme. Des bouts, c'est des bruits. Ouais. Oh. Quels sont ceux qui ont des pensées intelligentes, tu sais, qui ont de la pensée intelligente? J'ai ça aussi. T'as les deux. Ben oui. Ben, heureusement. Par cycle. Par cycle, ouais. Oui, c'est ça. Maman, c'est ça. Ça me dit, ah, oh, pardon, c'est l'antéchrist, c'est ça. Je sais. Ouais. Fais mon chemin. C'est ça. Ouais. Quand même, ça revient, c'est fatigant. T'as-tu dit que t'as pas écouté Bernard, puis que trois fois, l'enregistreuse arrête ça, là. Ça devient fatigant. Moi, pourquoi j'ai remarqué, c'est pour ça, mais dans le temps des menstruations, c'est la femme pour faire offre en bas. C'est justement ce que j'ai dit, André. C'est rare, puis tu as beau le savoir, puis tu le sais, il y a toujours une petite affaire dans la vie courante d'Italie qui te donne juste le petit pas d'entrée. Pour moi, dans le temps, là, j'entends pas les croches, ça se fait beau. Faut pas porter. Parce que vous êtes plus vulnérable dans ce temps-là, comme la dit. Ouais. C'est tout le temps les mêmes affaires qui reviennent. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme un record. De cette façon-là qu'on se rend compte que c'est un manque d'intelligence. Ah, ah, ah, ah. Mais on perd de l'énergie à combattre ça. Parce ah oui, c'est très fatigant. C'est cyclique, puis oui. On le sait, on le sent. Comme moi, je viens de voir parce que, comme tu dis, moi, j'ai du fun avec toi. Ouais. Mais je sais qu'en dehors de ça, il y a un paquet de conneries qui me font dans la tête. C'est comme ça. Y en a-tu qui n'ont jamais de ça, de conneries? Tu n'as jamais de conneries. Ça toi, tu n'as jamais ça de conneries. Y en a-tu d'autres qui n'ont jamais de conneries? Quand je dis pas mal de conneries, pas de conneries, là, tu sais, c'est pas mal. Toi, Guy, t'as pas ça de conneries? T'as d'autres sortes de conneries? Mais vous demandez une question. Me demandez comment est-ce que vous demandez ça? J'ai à son ouvrage des questions des autres qui envers les conneries de l'homme marin. C'est toujours des questions quand même qui ont une très grande valeur pour ça. Parce que c'est des questions qui sont les prêts à la lettre, réellement des questions de conneries sur les prêts. Les bravois sont très importants. Ils résorbent quelque chose. Qui remplir l'affaire. Pourquoi? Parce que tu peux avoir un écran mental, mais sur l'œil de la roue, il y a un couleur. Ah, là, c'est encore pire, en couleur. C'est pas une vache. Plus t'as pensé, tu lui donnes une arme. Ouais. Tu vois les chiquettes énormes, on met le morceau de la tête, tu vois les chiquettes. Ouais. Rien de comique. Ouais. Puis déjà, j'en ai mis avec ça, avec un petit exemple. Ouais. Fait que les journées, t'as des gens, t'es brûlé pour travailler. T'es brûlé par ces idiots-là. Ouais. Est-ce que l'homme est conscient de son rapport avec le monde? Si. L'homme est conscient de son rapport avec le monde. L'âme, c'est de la mémoire. Il n'y a pas de conscience dans l'âme, c'est de la mémoire. Écoute bien ça. Mandez donc, vous là, mandez donc... Demandez-donc si ça existe, l'arbre. Quelle réponse que vous avez? Pas de tes affaires. Pas de tes affaires. Demandez-donc si aimerait ça parler un petit peu. Pas le goût pâte. Pas le goût pâte. Demandez donc pourquoi est-ce qu'il vit toujours dans un environnement où il y a beaucoup de bouteilles. Pourquoi tu veux savoir? Pour l'aider. Ok. Mandez-donc si je peux l'aider un petit peu. Je veux jouer un tour d'hypocrite. Si je veux jouer un tour d'hypocrite. OK. M'en dis donc s'il y a des bouteilles qu'il préfère à d'autres. Les longues et minces. Les longues et minces, OK. Pourquoi? C'est bon. Hein? Bon, j'en tire mon émotion, elle dit c'est comme un pénis. C'est comme un pénis, OK. M'en dis-y donc, c'est parce que dans ces bouteilles-là, il y a beaucoup de soufre. M'en dis-y donc, si... M'en dis-y donc, si... Il est intéressé à poursuivre la conversation. Non, OK. Il a peur. Il a peur. Pourquoi? Répond pas, mais ça me conne. Mm-hmm. Y a-tu peur parce qu'il n'est pas sûr de prendre la bonne décision? Il est en maudit. Il est en maudit, OK. OK. Mandez-donc si c'est qu'est-ce que c'est du soufre. Ça brûle, OK. M'en dis-y donc d'où ça provient, si c'est d'où ça provient le soufre. Feu de l'enfer. OK. M'en dis-y donc si le soufre qui vient du soufre, du feu de l'enfer, c'est sa mémoire. Il est maudit, mais. OK. C'est sa mémoire. Dites-y que je connais ça, les lois du souffle. Qu'est-ce qu'il dit? Bien sûr, il connaît tout. Dites-y que s'il est intéressé à ce que je l'aide, qu'il vous sacre la paix, puis je vais l'aider. Je suis pas sûr que c'est possible. OK. M'en dis donc pourquoi la bouteille dans la grosse maison ronde est cassée à la tête? Pour qu'il voie plus clair. OK. Est-ce qu'il comprend que quand une bouteille est cassée, c'est pour lui enlever la liberté de comprendre les lois du temps? Bonjour. OK. Mandez-y donc s'il est intéressé à ce que je l'aide. Yo, yo. j'aimerais ça. OK. À condition qu'il vous laisse en paix. Donnant, donnant. Donnant, donnant? OK. Dis que donnant, donnant, c'est un pacte. D'accord. OK. Et quand on signe un pacte avec un étranger de son temps, on ne peut plus le briser, ce pacte-là. Sans ça, on est encore plus brûlé par le souffle. Yes. OK. Alors, à ce moment-là, s'il respecte le pacte de vous laisser en paix, et de vous laisser en paix, à ce moment-là, moi, je vais aller dans son monde et je vais le changer de place. T'es pas écouté. Je peux pas écouter. Okay. Ah. Y a-tu des bons sentiments envers moi, là? C'est correct. Je suis correct. Bon. Je reviens à l'hypocrisie. C'est pas chaud, ça. D'après ce que je peux comprendre, là, ce que la madame a dit, là, c'est que ces entités-là ou ces affaires-là qui nous envoient des idées, là, sont aussi tatas ou contre nous autres. Ils savent qu'ils nous nuisent. Ils savent qu'ils nous nuisent. Non. Ça fait partie des lois de leur monde de nous nuire parce que les morts sont jaloux des vivants. Mais on peut aussi les aider. Mais on peut les aider. Mais pour qu'on les aide, il faut qu'ils soient willing de se soumettre à un pacte, à une entente avec des hommes qui sont en matière et qui sont intelligents. À ce moment-là, on peut les aider parce qu'on est des hommes de bonne volonté. Mais la condition, c'est qu'ils restreignent leur activité et qu'ils laissent les hommes sur le plan matériel en paix. Et à ce moment-là, nous autres, on peut aller sur ces autres plans et les aider. Alors, les personnes qui ont comme aide, elles avaient un digne, c'est-à-dire à ce moment-là. Elle aurait-tu pu fermer si on faire le tac en question elle-même? Non, parce qu'elle n'a pas l'intelligence de leur monde. Moi, je l'ai forcé à parler, lui, parce que je suis plus intelligent que lui. C'est pour ça que je l'ai forcé à parler. Mais si j'étais pas dans mon intelligence, je pourrais pas le forcer à parler. C'est pour ça que les psychologues peuvent pas débloquer les gens qui sont malades. Pour débloquer les gens qui sont malades, qui souffrent de cette affectation, faut que tu connaisses leur monde, faut que tu puisses aller dans leur monde, faut que tu puisses visiter leur monde, savoir ce qui se passe dans leur monde. Moi, instantanément, je sais ce qui se passe dans leur monde. Fait que ça me permet de les aider, ces gens-là, mais aussi d'aider les gens qui sont sur le plan matériel. C'est pour ça que sans ça, les gens pourraient se... C'est pour ça que je dis souvent, les gens me demandent souvent, mais pourquoi est-ce qu'on rentre pas tous dans la conscience ensemble? Parce que pour rentrer dans la conscience, pour entrer dans l'intelligence, pour subir ça, cette affaire-là, faut être totalement en dehors de la forme, faut avoir traversé toutes les épreuves de l'astral, faut avoir vu toutes les illusions de l'astral, faut avoir détruit dans le conscient de la lumière toutes les structures, même les structures les plus sacrées de l'astral, qui convient au grand mode d'évolution spirituelle de l'humanité. C'est des souffrances énormes. Tu sais que nous autres, dans notre évolution vers la descente, autrement dit, dans notre descente vers la Terre, quand on part, après l'ascension de l'évolution, on va vers la descente, on devient des êtres descendants. Puis, nous autres, on est des êtres totalement seuls. On vit la grande solitude cosmique. La grande solitude cosmique, c'est très pénible. Extrêmement pénible. Parce que t'as plus de support. T'as plus Dieu comme support, t'as plus l'âme comme support, t'as plus la femme comme support, t'as que l'espace de l'esprit. C'est très pénible. Fait que c'est évident que quand on revient en matière, on les a tous les plans intégrés. Fait que ces plans-là, pour nous autres, ils nous sont connus. À ce moment-là, on peut aider les hommes. On peut développer des écoles nouvelles, des psychologies nouvelles. On peut aider l'homme à reconstituer le réel psychologique pour l'élever à une autre vibration pour que l'homme rentre dans son intelligence. Vous parlez, on parle des structures dernièrement, là. Le conseil, les ci, les ça, toi qui fais des activités, elle qui fait des activités. Pourquoi ça dans l'avenir? C'est pour établir la fondation de nouvelles écoles sur la Terre. Mais je vous en parle pas trop pour pas que vous rentriez dans les formes, parce que vous défaites tout ce qu'on fait. Il faut qu'il y ait sur la Terre une école. Puis les gens qui sont dans cette école-là, ben, c'est leur intelligence qui run, qu'ils soient médecins, qu'ils soient scientistes, qu'ils soient ingénieurs, qu'ils soient n'importe quoi. C'est l'intelligence, c'est ça que ça prend, c'est ça qu'on t'apprend en train de faire. Mais c'est long, parce qu'on doit faire des formes, puis ensuite, on peut dire au gars, bon, on va faire des structures, alors le gars, il dit, nous enlève des formes, il nous en crée d'autres. Mais c'est pas ça qu'on fait, comme d'ailleurs, vous allez voir avec le temps. L'homme ne peut pas, sur la terre, avoir de secrets, de subir de secrets. L'homme doit connaître le monde des esprits. L'homme doit connaître le monde des esprits. Puis l'homme connaîtra le monde des esprits quand il sera dans son intelligence. À ce moment-là, c'est là qu'on détruit l'astral. Puis c'est intéressant de parler avec eux autres. Moi, je pourrais m'asseoir et parler avec elle, d'avoir un tape à côté, là. Puis je décrirais tout leur monde avec elle, là. Ça ferait un roman science-fiction, là. Un roman occulte, tu parles de roman. D'ailleurs, j'ai l'intention d'en écrire un roman occulte. M'en écrire un roman occulte. Dans ce que vous avez dit tantôt, est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre pour moi? Vous pouvez expliquer la question de la bouteille cassée. Mm-hmm. Non, c'est pour lui. C'est pour le contact entre moi et lui, moi. Nous autres, on ne doit jamais s'intéresser à ce qui est astral. Jamais s'intéresser à ce qui est astral, parce que si on s'intéresse à ce qui est astral... Il y a quelqu'un qui est stationné avec un Monte Carlo, c'est le 1358. Une personne qui s'intéresse trop à l'astral, éventuellement s'astralise. Bah, bon, c'est la même chose. Tu fais du spiritisme dans la rue. Pourquoi? Parce que les gens ne connaissent pas les lois vibratoires. Moi, si je vous dis que j'ai été protégé pendant des années de l'ésotérisme, des années, j'étais à cartésien au bout. Il n'aurait pas vu que tu m'arrives avec un lit de même sur la table. C'était ma protection. Si l'homme n'est pas consciente d'elle-même, qu'est-ce qui la tient debout? Qu'est-ce qui fait qu'elle reste énergétique? Qu'est-ce qui fait que? Qu'elle reste énergétique. C'est une mémoire. Tout se conserve dans l'univers. Tout se conserve. Tout. Parce que tout est esprit. Tout se conserve. Tout. Rien se perd au niveau de la mémoire. Mais ça a un effet après. Tout est un esprit. L'effet principal qu'il y aurait à parler de jeu de symboles, des doigts de magie, magie blanche, qui fait à des gens, ça les maintient-tu dans l'astral ou si ça leur permet de rencontrer une unité d'être sous l'effet de ces types d'influences symboliques ou ces choses-là? Si tu parles de symboles à des gens, tu les astralises. Si tu te sers du symbole comme pilier, comme structure, pour expliquer des choses à des gens, à ce moment-là, c'est une autre chose. Mais éventuellement, il faut que tu en sortes toi-même de ça pour fonctionner un qu'au niveau d'intelligence. Parce que, écoute, bon, regarde bien ça, c'est fort. C'est parce que moi, je dis, si tu montres à quelqu'un qu'est-ce que ça fait la forme d'un symbole, oui. Tu peux prendre le tarot, tu peux prendre les doigts de magie, des choses du genre, si tu expliques à la personne comment ça fonctionne, oui. Faut que... Je vais t'en donner d'après lui la réponse. M'en dis donc s'ils aiment ça, eux autres, des symboles. Non. Ils n'aiment pas ça. Pourquoi? Tu t'occupes plus de rien. OK. M'en dis donc, qui c'est qui parle, là? C'est toi. M'en dis donc, si celui qui te parle, là, c'est l'entité qui était là avant ou si c'est un autre. C'est un autre. M'en dis donc, c'est même lui. Ben oui. OK. M'en dis donc... M'en dis donc s'il fait partie des zones neutres. Oui. Puis quelle différence qu'il y a entre les zones neutres puis les sphères? On me dit que c'est pas la même chose, mais je peux pas l'expliquer. OK. C'est pour ça que tu parles de symbole, là. Quand je parle de symbole, là, tu parles d'une autre entité, là, tu n'as plus la même réponse. Tu comprends? Si tu demandes des questions à une entité qui est dans une sphère, ils vont t'en parler de symbole. Aussitôt que tu changes puis tu montes en vibration, l'importance des symboles change. Change. Fait que c'est une bonne réponse qu'elle a. Comprends? Les symboles ont été donnés à l'homme pour apprivoiser son intelligence, pour permettre que son corps astral vibre à une luminosité un petit peu plus haute en vibration. Mais le problème, c'est que dans le monde astral, il y a soit la magie blanche ou la magie noire. Et quand l'homme est affecté par la magie blanche ou la magie noire, l'homme est affecté par des courants d'énergie dans le monde astral. La symbologie, c'est astral. Si un homme se sert de la symbologie, il faut qu'il soit bien conscient de ce qu'il fait. Il faut qu'il s'en serve pour éveiller dans l'esprit d'une personne quelque chose, mais pas transmettre dans l'esprit de cette personne-là une vibration astrale. Sans ça, tu défais ce que tu as essayé de faire. J'ai de Par exemple, je ne sais pas comment il faut en parler, mais moi, je préfère parler de la psychologie, de la psychologie. Ça démystifie le symbole. Oui. C'est ça que je crois que c'est la vibration. Oui. Quelqu'un qui est dans la fleur, puis si, par exemple, il me parle, moi, d'un symbole que moi, je ne connais pas, comment, mettons, un tarot que je ne connais pas, il me parle de symbole, moi, je ne le connais pas, je ne peux pas démystifier ce symbole-là. Mm-hmm. Mais si tu me parles de symbole en psychologie, là, je peux le dire. Oui, oui. Que je le connais. Ouais, mais il faut que tu sois dans ton intelligence. Ben oui, mais pour parler de ce symbole-là, il faut en parler pour que je sois en dehors de ce symbole. Il faut que tu sois en dehors. Ça, c'est... Non. C'est exactement. Exactement. Il faut que tu sois en dehors. Oui. Effectivement, il faut que tu sois en dehors. Parce que c'est comme... C'est ça que je dis, il faut que tu t'en serves. Mais tu ne peux pas en être prisonnier. Moi, je peux dire que... Avant de te rencontrer, je suis certain que je travaillais avec des entités qui étaient bien propres au niveau de l'énergie, que je suis dans le ciel. Puis quand je t'ai rencontré, qu'il y a eu une évolution, évidemment, je pouvais en parler, mais je n'avais pas la même sensation d'en parler. C'est ça qui était grand. C'est-à-dire, je pouvais en parler aux gens, mais je pouvais les mettre en garde de l'état que ça créait d'être en contact avec ces symboles. Aujourd'hui, je vais parler d'un petit phénomène de certaines formes de l'homme, du chien, de la rose, même de l'astrologie. Je mets en garde les gens de qu'est-ce que ça fait si tu te laisses poigner par l'ambiance de ça. Alors qu'avant, j'avais une espèce de charisme qui faisait que là, elle voyait à ça. Et ça va pas au bout de tout le monde. C'est un état d'esprit, je pense, qui fait du bon. Mais tu comprends-tu que lui, il est bien crédible quand tu en parles de symbole que quelqu'un ne connaîtrait pas ça? Ah ben effectivement. Comprends-tu? Effectivement, oui. Mais il peut être plus dangereux aussi. S'il n'est pas dans son intelligence. S'il n'est pas dans son intelligence. Non, non, mais moi je parle qu'il est dans son intelligence. Ouais. On parle de ça. Ouais. On maintient cette condition-là. Ouais. Si quelqu'un qui est dans son intelligence est capable de parler de ce qu'il faisait, de ce qui était cher, on ajoute ça, c'est de la crédibilité. Je ne parle pas juste de crédibilité au niveau. Je parle aussi pour le plan des esprits. Il est bien plus. Comment ça dirait? Il veut plus le savoir, tu sais. Puis moi, en tout cas, j'ai la conviction que le plan des esprits et un affaire qui font bien son affaire, c'est de nous empêcher de parler. Mm-hmm. Très juste. Parce que nous autres, la communication entre les... Moi, je dis la communication, la parole entre les êtres qui sont incarnés comme nous, là, dans la conscience, c'est un fou des autres. La parole et la communication des êtres conscients, ce qu'est la pensée est de communication au plan des esprits. Mm-hmm. Tu m'as dit, là? Non, ça marche. Tu sais, c'est comme si, par exemple, quand je te... Tu sais, quand tu parlais d'intention, quand tu parlais d'évolution. Si moi, je donne l'intention à quelqu'un, puis ça, le plan de l'esprit, ça a assez de ça, là. Si moi, je te donne l'intention à toi, Bernard, que toi, tu me trouves petit cul, puis que je suis pas digne de te parler parce que tu vois tout, puis tu me vois en bas de ce que moi je pourrais penser de moi. OK? Bon, ben l'intention que moi je te donne, elle vient pas de moi. Non, c'est ça, elle vient du plan des esprits. Tu comprends-tu? Mm-hmm. Puis le fait que je donne une intention à l'autre, puis ça se passe, ça, avec les trois, c'est très, très, très fascinant. Puis très souvent, puis entre les personnes qui sont proches, t'es évident. C'est le fait que je donne une intention à l'autre. Moi, c'est ça, je fais du spirituel dans le temps-là. Quand je donne une intention à l'autre, mon esprit va jouer dans ton esprit pour décider de ce que ton esprit pense au sujet de moi. Puis ça, ça crée comme un mur dans lequel on est emprisonné, puis tu restes enfermé dans ça. C'est juste. Puis c'est plate parce que c'est subtil, ça. Parce que dans notre éducation, on s'est fait beaucoup dire. Tu sais, comme tu disais tantôt, moi, c'est l'affaire que t'es 20 têtes de cochon, tu as toujours le dernier mot, t'es orgueilleuse, tu sais, c'est l'orgueil qui a fait le mauvais ange, fait que quand t'arrives dans ce mental, puis tu te fais dire, il faut être dans l'intelligence, puis il faut que tu sois humble. Ben, tabarnak, qui tombe de ce côté-là en mots, tu sais. Mm-hmm. Aussitôt que tu reconnais quelque chose, puis que tu reconnais que t'es intelligent, en tout cas, moi, si je suis dans ma job, ou en train de parler à des gens ici, je suis certaine que je ne sais pas mieux par le plan de l'esprit. C'est impossible. Mais si je suis seule, ah ben là, c'est bien facile. Puis ce qui coupe ça, c'est la parole. Puis ce qui est pénible, en tout cas... C'est pour ça que je vous dis souvent, vous saurez ce que vous savez en parlant. Oui. Combien de pas gens... en le pensant, en le parlant. Mais ce qui est difficile, c'est de parler à quelqu'un mais qui écoute avec son intelligence. Bon, regardez ce qui se passe. Ça, je trouve ça important, en tout cas, pour bien du monde, pour moi, que je rencontre au bureau aussi. C'est, je viens te voir parce que je veux te parler. Parce que j'ai personne à qui parler. Mais c'est pas pour me dire quelque chose. Parce que si moi, je l'écoute, puis j'ai rien de relation émotive avec cette personne-là, je l'écoute et avec elle, je vais le dire dans un respect d'elle, je vais lui faire voir que c'est pas elle qui parle, que c'est pas elle qui pense d'elle, que c'en est d'autres. Tu comprends? Mais si j'ai une relation émotive avec quelqu'un, puis que moi je lui parle de moi, charriée par le plan des esprits, la question de relation émotive, c'est un chemin entre les âmes ou entre son esprit et le mien. Puis c'est très difficile pour l'autre personne de rester objective, de m'écouter, puis que moi je me sens respectée, parce que le feedback que la personne me donne, c'est « t'es charrié », comme si j'étais responsable de ça. Est-ce que tu comprends? Mm-hmm. Puis ça, ça devient dur, parce que ça aussi, ça fait fermer la voix. C'est comme si le plan des esprits va voir l'autre interlocuteur par l'autre bord, tu sais. Puis moi, parler avec le plan des esprits, dit « bonne personne » à l'autre, ça m'intéresse pas. Quand tu parleras comme du monde, je vais t'écouter. Personne n'est qui est prête à se libérer par la parole, elle est plus capable de parler. Et c'est ce langage-là qu'on a besoin de parler en premier. C'est bien plus que le langage de savoir les informations que tu vas y avoir dans 20 ans, puis dans 2 ans, puis dans 3 ans. C'est se libérer ensemble. Puis comment est-ce qu'on va se libérer ensemble? C'est en se parlant de vous parlant. Qu'on est capable de se libérer. Ouais. Vous allez vous libérer ensemble en parlant de vous autres puis en vous prenant objectivement. Objectivement? Ouais. C'est pour ça que c'est important de parler à quelqu'un. C'est difficile de parler à quelqu'un qui est proche. En tout cas, c'est pas généralement là, que je dis ça. Là. mais il faut parler avec quelqu'un qui est capable d'écouter objectivement. Ouais. Mais d'écouter en sentant le respect de soi-même, parce qu'il y a comme une identification à un moment donné entre soi-même et le plan des esprits. Mmh. Parce que quand je suis dans ce petit plan des esprits-là, je me sens diminuée, je me sens diminuée, je me sens responsable. Ils font quasiment, tu sais, ils font plus les cheap, moi, que je dis. Mmh. Ben, quand tu arrives pour le parler à quelqu'un, si ce quelqu'un-là n'est pas dans son intelligence pour le savoir, en connaissant, parce que c'est le plan des esprits qui charrie, au lieu de le pitcher dans la face de la personne qui parle, l'autre s'en libère. Mmh. Ben, il ne prend pas. Mais ça fait voir. Parce que les esprits qui se collent dans le miroir, ils me disent que c'est de la peine. Mm-hmm. Mais il faut que je le fasse. Ouais. Ouais. C'est probablement un des aspects les plus occultes de l'élévation de la conscience supramentale sur la Terre, que c'est en parlant que l'homme saura. C'est pour ça que j'insiste tellement que les gens regardent dans les gens les qualités, non les défauts. Puis que j'insiste tellement que les gens se parlent les uns envers les autres ou en relation avec les autres d'une façon objective. Puis là, les corps s'ajustent, puis l'intelligence grandit, puis éventuellement, les gens s'aperçoivent qu'ils peuvent parler là. Puis après ça, parler devient aussi important qu'écouter. Parce que un qui parle apprend, un qui écoute apprend, les deux apprennent. Parce que quand tu parles, tu apprends ce que tu dis, puis quand tu écoutes, tu apprends ce que l'autre dit. Fait que parler et écouter, c'est très important parce que tu apprends les deux bords. C'est aussi important à parler qu'écouter. Ou écouter que de parler. Il y a des gens qui me parlent des fois, puis je les écoute tellement, ils me demandent si je comprends. Ils disent, m'écoutes-tu là, Bernard, là? Ben oui, je t'écoute. Parle, je t'écoute. Mais parce que je grouille pas, là, puis je suis totalement concentré à absorber ce qu'ils me disent, ils pensent que je les écoute pas. Parce que j'écoute tellement. Ils ne sont pas habitués. On dirait que les gens ne sont pas habitués à ce qu'on les écoute. Tu sais, c'est un phénomène. Chris, le gars, il m'écoute tout d'un coup. Même toi, ça fait 10 ans que j'essaie de parler à quelqu'un, personne ne m'écoute. Lui, il m'écoute, lui. Mais je les écoute tellement qu'ils pensent que je suis parti quelque part des nus. Là, mais comme moi, je ne suis pas capable de parler. C'est pénible. Moi, je suis capable d'écouter quelqu'un. Ouais. Et je ne suis pas capable de parler. Je vais arriver avec quelqu'un. C'est clair dans mon esprit, je veux dire, oui, mais c'est plus facile, c'est plus général, c'est plus universel de pouvoir écouter que de parler. Mais après, vous pouvez parler. L'homme commence plutôt à pouvoir écouter d'abord que de parler. Mais le fait que tu puisses écouter, là, t'absorbes énormément de vibrations, puis éventuellement, whoop, ça débloque, tu peux parler. Occupez-vous jamais de quand vous allez pouvoir parler. Un jour, vous pourrez parler. Mais sachez écouter d'abord. Moi, j'aime ça parler avec le plan des esprits parce que c'est une joke. C'est une grosse joke. T'sais. Ils sont pas capables. T'sais, sont pas capables de jouer de tout. Ils sont pas capables. Comment ils essaieraient? Ils ont pas la finesse. Ils ont pas l'intelligence. Puis c'est pour ça qu'ils se mettent en maudit. C'est subtil, l'affaire des bouteilles. Je m'ai servi l'affaire des bouteilles. Le souffle des bouteilles. Mais au moins, après ça, tu peux... Je te dis, c'est dans ce sens-là, je te dis, c'est fantastique, la psychologie. C'est excellent. Moi, j'ai le projet un jour, de former une école sur la Terre de psychologie. Une. Les gens qui seront dans l'intelligence, qui sont dans cette branche-là. C'est extraordinaire, la psychologie. Il n'y a rien de plus extraordinaire que ça. Il n'y a rien de plus extraordinaire que ça. Moi, ça me fascine, la psychologie. Ça me fascine. Puis je ne sais même pas pourquoi. Parce qu'ils disent que c'est infini. C'est infini, la psychologie. C'est la science qui manque le plus à la Terre.